dans les tunnels, tout proche de la galerie Est. Booz, prépare-toi! Je suis prêt! Je suis prêt! Booz s'était de nouveau hissé sur le bord du chariot, pioche en main, prêt à frapper la barre de fer qui retenait les poutres, elle-même supportant le poids des pierres. Une fois la barre frappée, les poutres se casseraient la gueule, entraînant l'effondrement total de l'entrée. Et ça, les rats qui couraient derrière nous ne le savaient pas. Maintenant! Allez! Je sais! Tout s'est effondré derrière nous. Nous sommes sortis du nuage de poussière, les yeux piquants, la gorge sèche. J'ai freiné peu à peu. Celui-là. Il n'y a plus personne derrière nous, hein. Je me suis retourné. Un amas de roches bouchait le tunnel. Derrière, les rats grognaient. Non, juste des pierres. Les rats vont rebrousser chemin et retrouver le seul tunnel encore utilisable. Celui qui mène ici. Nous avons tous regardé dans la même direction. Tout autour de nous, l'immense galerie Est s'étendait, belle, éclairée par la lumière bleue du grand trou. Nous nous trouvions sur une petite corniche, près du grand plafond au bout de laquelle se tenait un coussin d'arrêt pour stopper les chariots dans leur course. De là descendait une échelle vers le sol de la galerie. Et sur le sol... Ils sont là ? Parce que tous là... Des milliers de rats. Galerie Est, des rats, par milliers. Nous avions réussi. Plus de la moitié de l'armée rat s'était retrouvée piégée dans la galerie Est. Non, pas entièrement piégée. Nous n'aurions pas dû arriver par là, mais par l'autre côté, par la grande entrée de la galerie Est. Car le mécanisme qui provoquait l'effondrement de l'entrée se trouvait en bas, parmi les rats. Et puis, il y avait un autre problème. Vous êtes tous conscients qu'à ce stade du plan, j'aurais dû être seul. Mila est descendue du chariot, le regard rivé sur les rats en contrebas. Booz lui a emboîté le pas. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas ? Évidemment, mais bon, on a dû improviser, non ? Pas grave, on passera tous le grand trou. Mila ? Mila m'a répondu sans se retourner. Elle ne pouvait détacher son regard des milliers de rats. Rien ne m'attend à Wichit. J'ai toujours été la petite princesse modèle, mais qui finalement n'a aucun droit. Une image de princesse, pas un être vivant, alors. Alors là, je perds peut-être un grand palais. Elle a légèrement tourné la tête vers moi, un sourire triste sur le visage. Mais j'y gagne un peu de liberté, même si elle est forcée. On n'est pas encore sorti d'ici. Le mécanisme est en bas, on aurait dû arriver par en bas. Bon, qui a le courage de se frayer un passage parmi les rangs, hein ? Je suis descendu du chariot à mon tour. Nous étions tous les trois au bord de la corniche et... une dizaine de mètres en dessous, les rats attendaient sans trop savoir quoi. Et puis il est arrivé. Ils se sont tous écartés pour le laisser passer. Il avançait, suivi de près par le petit rat nerveux. Alors, Atis, on fait quoi maintenant ? Hein ? Et on fait quoi ? Regarde, il y a un passage vers dehors. On mange les belles fruits qu'on trouve et ensuite on se casse. J'ai envie de me rouler dans les rats et de bouffer des glands. Manfred, ta gueule ! Qu'est-ce qu'ils foutent tous là, hein ? Bande d'imbéciles, allez, on rebrousse chemin, on sort d'ici. Vraiment ? Tu veux vraiment ça ? S'ils sortent, votre plan tombe à l'eau. Les persévères se tenaient juste derrière nous, leurs trois têtes dansant sur leur corps unique. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous arrivez toujours au bon moment, vous. Nous vous avions dit que nous étions prêts à payer le prix pour sauver Wish City. Il est l'heure de passer la caisse, ding ding, et on ne rend pas la monnaie. Vous allez enclencher le mécanisme ? Il y a juste à allumer une mèche. Vous faites tout péter, mais il y a plein de rats en bas. Nous allumons la mèche, nous faisons tout péter, et les rats se retrouvent prisonniers de la galerie Est avec pour seule sortie le grand trou. Tout comme vous. Ouais, tout comme nous. Nous sommes rapides, faites-nous confiance, nous saurons y arriver. Vous pouvez commencer à gravir le grand trou. Mais attention, les rats sont rapides et... quoi qu'il se passe... Ne désespérez pas. Il reste encore beaucoup à faire. Persévère, je... Non, ne dites rien. Il n'est plus temps de parler de l'avenir, ni de ce que vous deviendrez une fois dehors, ni de rien du tout. Il est temps d'agir. Regardez, Ratis pousse ses rats à rebrousser chemin. Il reste encore un passage pour Wish City. Il pourrait le trouver, et là... tout ce que vous aurez fait n'aura servi à rien. Vous avez juste à allumer la mèche. Booz a lancé un briquet au persévère. C'est ici que nous nous quittons définitivement. Adieu. Ils ont disparu dans un nuage de fumée. Nous avons tous les trois baissé la tête vers les rats. Ils s'énervaient, et parmi eux, Ratis les poussait à repartir. Mais tous regardaient le grand trou. Le grand trou. Il est temps de partir d'ici. Regardez une dernière fois les cavernes. Le monde derrière le grand trou va sûrement être très différent de celui-ci. Bah, fouiche.